Le timonier fantôme par Hector Gamilly. C'était dans l'été de 1839. Un navire anglais, le Vulcain, capitaine Isaac Johnson, revenant des Indes avec demi-charge de thé seulement, s'arrêta au Cap Nègre, sur le côté du Bengala, pour prendre de l'ivoire afin de compléter son chargement. Mais le commissionnaire, avec qui il était en relation d'affaires, apprit au capitaine que les chasseurs d'éléphants n'étaient pas venus, et qu'il aurait en conséquence à remonter la rivière des cannibales à une distance d'environ 15 milles s'il voulait les trouver. Ce contretemps désappointa bien un peu le capitaine Johnson, mais comme il n'eut rien gagné à manifester sa mauvaise humeur, il fit armer ses propres canots et remonter les rivières à la rencontre des chasseurs récalcitrants. Il fallut 4 voyages pour amener tout cet ivoire au quai d'embarquement, mais profitant de la marée, cela n'avait exigé pas plus de 4 jours. Au dernier voyage, le capitaine y alla lui-même, laissant le navire sous le commandement du premier lieutenant. En arrivant au village où l'ivoire était emmagasiné, il ne fut pas peu surpris de le trouver presque complètement désert. Il demanda des explications sur ce fait anormal, mais les indigènes auxquels il s'adressa ne purent ou ne voulurent point lui en fournir. Ce fut seulement lorsque le reste des défenses fut embarqué dans les canots et qu'ils furent payés, qu'ils se décidèrent à lui apprendre que les habitants du village s'étaient enfuis à la nouvelle que le choléra descendait la rivière. Cette terrible nouvelle ne fut pas plutôt connue des matelots qu'ils se hâtèrent de regagner les canots et bientôt après le navire, où l'ivoire fut arrimé en un tour de main. Il était presque minuit lorsque le Vulcain, avec son chargement complet, quitta cette côte empestée avec une bonne brise nord-est. Le lendemain matin, après déjeuner, au moment où l'équipage se réjouissait bruyamment d'être hors de tout danger, un jeune homme, nommé Walter Addison, se sentit malade subitement. Addison était le favori tant de l'équipage que des officiers, de sorte que tout le monde à bord du Vulcain fut consterné de le savoir malade, d'autant plus que son état parut grave dès le début. Pris de vertige et de frissons, le malheureux jeune homme était, en moins de 2 heures, arrivé à un état d'affaiblissement tel qu'il ressemblait à un véritable cadavre. Il souffrit horriblement jusqu'à midi, puis resta immobile et froid, et l'annonce de sa mort retentit d'un bout à l'autre du navire. De quoi était-il mort ? Du choléra, parbleu. C'était la première victime du fléau. Quelle allait être la seconde? L'équipage tout entier fut pris de panique instantanément, et personne n'aurait osé maintenant toucher le cadavre du malheureux Addison. La nuit approchait, il faisait calme plat. En vain, le capitaine insista pour qu'on procédât sans retard aux funérailles usuelles, insistant sur ce point que attendre plus longtemps aurait pour résultat certain d'activer la contagion. Les matelots secouaient la tête avec découragement, et nul ne bougeait. En présence de l'inutilité évidente de tous ces efforts pour arracher ces hommes à leur stupide prostration, le capitaine Johnson demanda à son lieutenant s'il était disposé à l'aider dans la funèbre mais sommaire cérémonie de jeter ce dangereux cadavre par-dessus bord. Le lieutenant consentit, non sans hésitation, et les 2 officiers se rendirent au gaillard d'avant afin de procéder aux obsèques du colérique. Ils enveloppèrent le cadavre d'un drap sans se donner le temps de le coudre, ni même d'attacher au pied du mort un boulet ou un poids suffisamment lourd pour l'empêcher de flotter, tant ils étaient peu rassurés eux-mêmes. Ainsi sommairement enseveli, ils le lancèrent à la mer, par tribord, avec la plus grande précipitation, non toutefois sans l'accompagner d'une prière courte mais fervente. Le corps de l'infortuné jeune homme disparut dans les flots. Le capitaine le suivait des yeux. À la pâle lueur phosphorescente des eaux, il le vit plonger puis reparaître et plonger de nouveau. Alors, d'un pas lourd, le cœur plus lourd encore, il se dirigea vers l'arrière. Il était temps de relever le quart. Mais il n'y avait rien à tirer de l'équipage affolé. Aucun ne voulait descendre. Et s'écartant de l'endroit où le malheureux compagnon avait succombé, il s'entassait pêle-mêle dans le grand canot, ne sachant comment faire pour éviter la contagion, ni où celle-ci se tenait au juste, et se regardant les uns les autres d'un œil craintif et soupçonneux. Cependant, vers 11 heures, la brise légère qui s'était élevée et qui, depuis quelque temps, semblait chercher à s'orienter, devint une forte brise soufflant de l'ouest-nord-ouest. Le vent devint plus fort en peu de temps, si bien qu'avant minuit, tout le monde était occupé à la manœuvre. Les voiles de perroquet furent carguées rapidement, et dès lors, chacun parut avoir reconquis son sang-froid. Aucun symptôme alarmant ne s'étant du reste manifesté, l'espoir revenait, et tout le monde était à son poste, comme s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire, et que la peur ne fût qu'un mot. Il ventait toujours frais, mais c'était somme toute une brise régulière, et le navire se comportait à merveille. La cloche était suspendue au-dessus de l'habitacle, et au moment précis, le vieux Bill Shepan, qui était à la barre, se leva pour sonner la demie après minuit. Il venait de reprendre son poste, les yeux rivés sur le compas, lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule. Se retournant vivement, il aperçut devant lui, à la lumière agitée des lampes de l'habitacle, qui ? La face livide de Walter Addison. Le vieux matelot resta un moment comme pétrifié à cette apparition effrayante. Puis, poussant un cri de terreur, il lâcha la roue et s'enfuit sans demander son reste. Le navire, abandonné à lui-même, ne tarda pas à prendre une mauvaise attitude, et comme il offrit au vent la surface arrondie des grandes voiles, il commença à donner de la bande d'une façon alarmante. Mais alors, le spectre de Walter Addison, qui avait fait fuir le timonier, prit sa place, et tout rentra bientôt dans l'ordre, mais il était temps. Cependant, le cri de Bill Shepan avait fait sauter tout l'équipage comme un seul homme. Pour tout le monde, ce cri effrayant n'avait pas d'autre signification que celle-ci. Bill était frappé du choléra. C'était lui la seconde victime du fléau. Mais au milieu de ces explications hachées par des hauts cris d'épouvante, on finit par démêler quelque chose de la vérité. On se précipita vers le théâtre de l'étrange événement, et bientôt, il fut évident pour tout le monde qu'il y avait un fantôme à la barre, le fantôme de Walter Addison jeté à la mer, comme mort, quelques heures auparavant. Nul n'osait l'approcher, et du reste, nul n'aurait eu même la force de fuir, car tous étaient rivés au plancher, muets, les genoux tremblants, incapables de souffler mot comme de faire un pas. « Camarade, prononça le fantôme d'une voix mourante, secourez-moi, ou je vais m'évanouir. Je suis faible et j'ai bien froid. » Après une minute d'hésitation, le capitaine Johnson s'élança, et portant vivement les mains sur cette forme humaine, qui avait toute l'apparence d'un spectre, mais qui parlait cependant, s'assura que ce n'était nullement un fantôme, car elle tremblait de froid, étant toute trempée d'eau. Alors les matelots s'approchèrent à leur tour et reconnurent que c'était bien là le corps vivant de leur jeune camarade Walter Addison, en chair et en os. Porté dans sa propre cabine par le capitaine, le ressuscité fut entouré des soins les plus empressés, et il ne fut pas très longtemps à se trouver en état de donner des explications sur son étrange conduite. Il paraît que le jeune matelot était tombé en léthargie à la suite de ses souffrances, résultant en effet d'une attaque de choléra, ce qui n'est pas sans exemple, ni peut-être le cas où cette léthargie a pris tellement l'apparence de la mort que plus d'un vivant a pu être enterré prématurément, sans avoir eu la chance d'échapper à la tombe comme y réussit Walter Addison. La soudaine immersion dans l'eau froide avait rappelé les sens paralysés de celui-ci, et comme le navire allait lentement à ce moment, il avait dû le suivre à la nage, et au prix d'efforts surhumains dans son état de faiblesse, saisir à la fin les chaînes du gouvernail. Il avait alors tenté d'appeler à son secours, mais n'avait pu réussir à proférer le plus faible cri, et était demeuré dans cette position jusqu'à ce qu'il recueillît assez de force pour poursuivre l'œuvre de son propre sauvetage. Il atteignit enfin les fosses à bord, puis les lignes d'amarrage du canot d'arrière. Mais arrivé là, son extrême faiblesse le força de nouveau à s'arrêter, et il resta quelque temps insensible. Revenu à lui cependant, il pénétra enfin dans l'intérieur du navire, prit le chemin de l'habitacle comme du lieu le plus proche sans doute où il put trouver quelqu'un et se trouva bientôt derrière le timonier. Si ce pauvre diable d'Addison, au lieu de parler, avait tragiquement posé la main sur l'épaule du superstitieux Bill Shepan, Ce n'est pas qu'il voulait jouer au fantôme, hélas, il n'y pensait guère. C'est que la voix ne lui était point revenue. Il avait essayé à plusieurs reprises de crier. Et dans un pareil besoin de secours, je pense bien qu'il n'y eut pas doute sur sa bonne foi lorsqu'il le déclara. Mais aucun son n'était sorti de ses lèvres glacées, de même lorsqu'il s'était trouvé en présence du timonier. Et c'est le désespoir dans l'âme qu'il avait vu le poltron détaler avec une prodigieuse vitesse, abandonnant la conduite du navire au risque de dangers autrement réels et terribles qu'aucun de ceux qu'un fantôme ait jamais fait courir à un honnête matelot ou à un brave trois-mâts. Sous l'impulsion d'une sorte d'instinct, heureusement, le jeune homme, voyant le danger, se précipita à la roue et ramena le navire au vent. La commotion avait été assez forte, sans doute, assez en tout cas, pour rappeler complètement son sens et lui rendre la parole dans la mesure au moins indispensable. Le jour venu, Walter Addison était hors de danger. Quant au choléra, sa première victime lui ayant échappé, quoique avec toutes les chances contre elle, il se le tint pour dit, et ne vint plus inquiéter l'équipage du Vulcain, qui acheva heureusement la traversée, plus heureusement que ne le fussent fait supposer les incidents dramatiques du début. Ainsi s'achève le timonier fantôme par Hector Gramilly.